Vous écoutez C'est Fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Rassemble un truc pour toi aujourd'hui. Donc avec Kiwan et Mathieu, c'est Assemblage requis. Maintenant, c'est le moment de nous introduire. Non, je vais arrêter d'utiliser cette expression-là, moi, de nous introduire. Je trouve pas ça bien, bien beau. C'est un peu vulgaire, ça. On va présenter Simon Fitzbé et sa chronique sur les mythes du rock'n'roll. Voici Paul is Dead. Salut Simon. Bonjour, ça va bien? Oui. Super. Super. Et toi? Oh, ça va très très bien. Le mythique Simon Fitzbé, oui, oui. Oui, le mythique en fait. N'en mettons pas trop. Non, c'est ça, on ambitionne un peu. Ouais, exactement. Ben, c'est ça... juste Simon. Exactement, exactement. C'est bien correct comme ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous donner un petit cours de mythologie grecque 101. Je suis un étudiant en histoire, donc ça fait un petit lien justement avec mon champ d'études ici à l'université. Et en fait, je vais essayer de vous faire des allusions le plus possible qui restent dans la musique, mais aussi qui se raccrochent un petit peu au rock and roll. Donc, il n'y aura pas d'olives puis de fromage feta. Non, exactement. Non, on reste vraiment dans... Avant ça, il y avait de la culture d'olives, mais avant la culture grecque qu'on connaît, il y avait les Grecs anciens avec les philosophes. Avant la casa grecque, là. Exactement, ouais. Puis c'est pas avant qu'on se demande si c'était une voyelle ou pas, Y. Oh, c'est bon ça, j'adore tes jeux de mots. Donc, oui, c'est donc dans le temps des dieux, aussi des grands héros de la mythologie. Donc, cette mythologie grecque qui regorge de légendes et qui ont des héros mythiques aussi qui ont fasciné les hommes et créé un univers d'imaginaire, en fait, regorgeant d'aventures aux proportions gigantesques. Aujourd'hui, on va se pencher sur deux légendes en particulier, des légendes qui ont influencé et nourri l'imaginaire des compositeurs de musique en grande majorité. Et c'est... En fait, il y en a un qui a un lien très, très précis avec la musique et l'autre, je vais le faire un peu en même temps. C'est un rectificat en même temps de la semaine dernière lorsque je parlais du rock and roll et que Danny Janvier, en fait, Rolling Stone, pardon, et Danny Janvier est venu me parler à la fin pour voir si j'avais parlé de Sisyphe. Sisyphe qui était, en fait, un très grand héros des mythologies grecques et donc je vais vous faire un peu sa présentation et vous raconter pourquoi son lien avec Rolling Stone que j'avais oublié de mentionner la semaine dernière. Donc, Sisyphe, c'est l'exemple de la ruse et son histoire, plus grande que nature en quelque sorte, est fondatrice de l'idéologie des musiciens durs à battre ou des rockers qui trompent la mort. Donc, on va justement voir pourquoi. Sisyphe, c'est le fondateur de la ville de Corinthe et c'est le fils d'Éole, le dieu des vents. Il a développé la navigation ainsi que le commerce à son époque et c'est un homme avare qui n'hésitait pas à user de la ruse pour avoir ce qu'il voulait. Il a été témoin du rapt d'Égine, fille d'Azopo, Azopo qui est le dieu des fleuves. Et Égine a été enlevée par Zeus, donc il est allé voir Azopo et lui a offert un marché, en fait. Il était prêt à dire qui avait enlevé sa fille en échange d'une rivière, donc pour lui. Et donc, ça l'a mis Zeus en furie, qui a envoyé Thanatos, qui était la personnification de la mort dans le temps des Grecs, pour venir prendre la vie de Sisyphe. Sisyphe, lui, a trompé Thanatos en l'enfermant dans une tour et ce qui a donné, en fait, comme résultat que les hommes en Grèce ou dans le monde entier, en fait, ne mouraient plus, ils étaient immortels. Donc, les dieux étaient pas très heureux de ça puisque, donc, ils étaient au-dessus des mortels en étant, justement, immortels. Alors, ils ont envoyé Arès, qui était le dieu de la guerre, pour libérer Thanatos qui, par la suite, allait partir avec l'âme de Sisyphe une fois pour toutes. Mais Sisyphe, en homme rusé, il s'est demandé alors à sa femme de ne pas l'ensevelir ni de ne pas lui donner aussi de cérémonie funèbre. Lorsqu'il est arrivé devant Hadès, qui est le dieu de la mort ou le roi des enfers, il a signifié que sa femme, une impie, ne lui a pas fait de cérémonie pour son décès. Il a donc demandé de retourner dans le monde des vivants afin de punir sa femme. Et cette ruse lui a donné la chance de vivre encore plusieurs années avec sa femme en trompant Hadès, le roi des enfers. Les dieux, encore mécontents des agissements de Sisyphe, lui ont donné en fait une punition. Il devait rouler éternellement un immense rocher au haut d'une montagne du Tartare et le rocher, une fois au sommet, comme la gravité le veut, redescendait en bas, roulait seul jusqu'en bas, donc il devait encore la porter jusqu'en haut et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. Donc, ça a été sa punition. Ce mythe qui a été vu par plusieurs, notamment Camus, comme une allégorie de la monotonie de la vie. Les gens qui travaillent, qui accomplissent des choses, qui doivent tout recommencer le lendemain. Eh bien, c'est aussi une allusion qu'on peut coller au rock'n'roll. D'abord, le nom aussi, la pierre qui roule. Mais, aussi, la répétition des rythmes et des riffs dans une chanson, les riffs étant donc les séries d'accords qu'on fait, qui sont très répétitifs dans une chanson rock'n'roll, donc on va pas chercher très très loin, on fait pas de grandes envolées musicales. Et c'est aussi probablement une origine de l'expression Rolling Stone qui a été utilisée, comme on l'a vu la semaine dernière, dans beaucoup de façades, en fait de faces de la musique. Rock'n'roll. Et le mythe par excellence aussi de la longévité et de l'habitude des rockstars à tromper la mort, entre autres Keith Richards et tous ces vieux rockers qui ont tout connu dans leur vie et qui vivent encore en pleine santé. Il y a des références musicales aussi à ces chiffres. Entre autres, je vous en ai apporté une, c'est sur l'album Uma Guma de Pink Floyd, album qui est paru en 1969. En quatre parties, on a expliqué un peu le périple de ces chiffres à monter sa roche et la redescendre. C'est la deuxième partie, c'est une envolée au piano de Richard Wright, qui est le compositeur de la chanson. Donc, voici une pièce de 3 minutes 30, quelque chose comme ça, de Pink Floyd, Sisyphus Part 2. Vraiment, tête partout. On représente dans la musique un peu l'aventure de Sisyphus, en fait, qui monte sa roche jusqu'en haut de la colline. Et donc, c'est cette pièce Sisyphus Part 2 de Pink Floyd sur l'album Uma Guma de 1969 qu'on vient d'entendre, qui racontait un peu musicalement le périple de Sisyphe. Oui, il est toujours en compagnie de Simon Fitzbay. Et sa chronique sur les mythes du rock'n'roll, Paul is dead. Et oui, c'est moi. Il est toujours mort. Non, ouais, oui, effectivement, il est toujours mort et enterré depuis très longtemps. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la mythologie grecque. Oui, exactement. Je parle de ces héros de la mythologie qui ont un rapport avec la musique. Et celui qu'on va voir dans quelques secondes, en fait, c'est celui qui a la plus grande répercussion au niveau musical dans l'histoire de la musique. Et il se nomme Orphée. Le mythe d'Orphée est un des plus communs dans le monde de la musique. C'est une légende qui a fait rêver la plupart des musiciens dans l'histoire, en fait. Surtout dans la musique classique, il n'y a pas eu vraiment de répercussions au niveau du rock, et donc ça sort un peu des terrains connus en allant dans la musique classique cette semaine. Et donc cet homme, Orphée, qui est le fils de la muse Calliope, qui est muse du chant avec la très belle voix. Et il est reconnu lui-même pour sa voix angélique ainsi que ses talents à la lyre. La lyre qui est l'ancêtre de la guitare, en fait c'est un instrument à 5 cordes où on jouait avec un genre de grande branche qui servait de pic. C'était l'instrument aussi de prédilection du dieu Apollon, qui est non seulement le dieu de la beauté mais aussi le dieu de la musique. Et il aurait donné à Orphée sa lyre personnelle à lui, de laquelle Orphée aurait acheté 2 cordes, donc de là est née la lyre à 7 cordes qui est apparue un peu plus tard en Grèce antique. Il a été responsable du succès de la campagne de Jason et les Argonautes, puisqu'il a réussi à vaincre les chants des sirènes grâce à sa voix angélique. Il est aussi responsable de l'ajout des 2 cordes, comme je disais, j'ai trop mon texte. Donc, voilà. S'il était capable de battre les sirènes avec sa voix, je crois que ça donne une idée à quel point il était très bon, puisque donc les sirènes ont envoyé Ulysse en plein délire. Les sirènes avaient l'habitude de faire échouer les bateaux à cause de leur voix angélique et qui envoûtait les marins. Il est reconnu surtout pour la légende de sa descente aux enfers pour aller chercher sa femme Eurydice qui fut mordue au mollet par un serpent la journée de leur mariage aux deux et qui est décédée, donc qui est allée aux enfers. Orphée n'a pas hésité à descendre aux enfers pour aller chercher Eurydice et a réussi, grâce à ses talents de musicien, de charmer Cerbère, le chien à 3 têtes qui est gardien des enfers. Si vous voulez une image... C'est comme dans Harry Potter. Comme dans Harry Potter, exactement. Donc, on s'inspire de tout pour écrire ses livres de magie. Il a aussi battu les Euménides, qui sont les déesses de la vengeance, pour se rendre jusqu'à Hadès, roi des enfers. Et il a réussi aussi, avec sa lyre et sa voix, à charmer le dieu des morts, qui a permis à Orphée donc, de ramener sa femme Eurydice dans le monde des vivants. Ça ne dit rien sur les 9 autres. Les 9 autres. Eurydice. Ah, tes jeux de mots sont trop vraiment génial, j'adore ça. Merci. Donc, il a réussi à conclure un pacte avec Hadès et donc il pouvait ramener sa femme dans le monde des vivants. Et ça, dans la mythologie grecque, partir du monde des morts et se rendre jusqu'au monde de la lumière ou des vivants, ça prenait beaucoup de temps. Et pendant tout leur voyage à pied, il ne devait pas regarder sa femme ni lui parler et elle ne devait pas lui parler non plus. Donc, il devait être content des fois. ça lui donnait un break. Il devait être vraiment heureux. Après plusieurs heures de marche, donc ils étaient sur le point d'atteindre le monde des vivants. Ils pouvaient donc se retourner dans quelques minutes ou quelques heures. Il était inquiet de ne pas entendre sa femme. Il s'est retourné et il l'a vu disparaître devant ses yeux à tout jamais. Il a été enlevé, retourné dans le monde des enfers et il ne pouvait plus jamais la voir de sa vie. Et Orphée s'est enfui sur l'île de Lesbos qui a vécu avec les poétesses, puisque Lesbos était la ville, en fait pas la ville, mais l'île de la poésie. Et toutes les muses habitaient là. Ils n'ont pas réussi à apaiser sa douleur et il s'est fait enterrer sur le mont Olympe, puisqu'il était un très grand musicien. C'est une histoire d'amour et de bravoure qui est fondatrice dans le monde de la musique classique. Orphée est le plus grand héros musical qui a été inventé, qui a su captiver les compositeurs comme Franz Liszt, Igor Stravinsky et Philip Glass plus récemment, qui avait écrit une suite au piano pour Orphée. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver l'extrait. Ce qu'on va aller entendre, par contre, pour souligner Orphée, c'est le poème symphonique de Monsieur Franz Liszt, qui est interprété par l'Orchestre Philharmonique de Berlin. C'est un très beau poème symphonique. J'en ai sélectionné peut-être une minute d'un temps fort. En fait, c'est lorsqu'il sortait des enfers pour retourner. C'est lorsqu'il a en fait sa marche avec sa femme en arrière de lui. C'est un moment qui est agité dans le poème symphonique. Et ce poème symphonique, c'est très, très bon à écouter. Donc, voilà une partie de Orpheus de Franz Liszt. Donc, le poème symphonique Orpheus qui raconte en musique les aventures d'Orphée lorsqu'il s'est rendu en enfer pour aller chercher sa femme Eurydice. Le poème symphonique, en fait, il est une formule de composition où on se fie à une histoire, où en fait on raconte une histoire en musique totalement. On peut retrouver des fois des copies de ces histoires pour suivre pendant le poème symphonique. C'est comme les cassettes dans le temps où ils sonnaient à la cloche pour changer de page. Hein? Exactement, avec les livres. Oh oui. Ouais, devrait faire ça dans les concerts. Hein. Parce que avec juste la musique, c'est pas si clair de suivre l'histoire. Hein. Non, c'est ça. Si on la connaît pas, ça va pas bien. Alors, en conclusion, la mythologie grecque est, depuis la Renaissance, puis ça a été découvert à cette époque-là en Europe, une source intérissable de mythes qui ont charmé et fait rêver les hommes. Le calvaire de Sisyphe, homme rusé condamné à rouler le poids de son erreur à jamais, a réussi à se greffer subtilement aussi à la mythologie du rock and roll, entre autres avec l'expression Rolling Stone, et Orphée. Le grand musicien condamné à la tristesse et à la solitude à cause de son insécurité est similaire au souci de plaire des artistes. Bref, ces légendes récitées pour faire rêver sont aussi représentatifs des états d'âme et des expériences de vie que des hommes créateurs de ces mythes qui ont eux-mêmes vécu. Donc voilà, c'était ma chronique pour cette semaine. Petite mythologie 101. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vous pourrez retrouver justement le texte que j'ai utilisé pendant la chronique sur mon blog ununiversfaitdeplatine.blogspot.com. Et il sera référencé sur notre site à nous aussi. Exactement. Assemblagerequis.com. On pique le contenu des autres, nous autres. C'est parfait. Ça va mieux. C'est plus facile à écrire aussi, Assemblagerequis. C'est ça le concept de l'émission, en fait. Là. Prendre le contenu de tout le monde. Puis faire on fait pas grand-chose. Pour l'assembler. Exact. C'est un casse-tête. Sauf qu'il n'y a pas les petites pinouches dessus. Pour les aider à les prendre. Pourquoi il y avait des pinouches dessus? C'est juste parce que c'est plus facile de les prendre. Hein? Exactement. Oh oui. Sinon, ça reste coincé. Comme plein d'autres choses qui ont un petit tambou comme ça, qu'il faut faire attention et le prendre comme il faut. Pognes-tu? Tu l'as pogné? Oh oui. Ok, c'est bon. Je l'ai encore, je la garde. C'est pour ça que je réagis pas tout de suite, parce que je l'ai pogné, puis je la garde. Il va rire à 10h à soir. C'est une blague à retardement, si on veut. Bon, donc voilà, merci beaucoup Simon Fitzbé, puis je te demanderai une autre fois la différence entre Orphée et Morphée. Oui, je vais faire une recherche, puis je vous reviens là-dessus la semaine prochaine. Parce que tu sais, c'est comme Mario, puis Wario, puis Luigi, puis Waluigi, puis Peach, puis la princesse Daisy. Tu sais plus c'est qui à un moment donné, là? Expliquez-moi. Non, c'est ça, qui c'est que son frère, soeur, cousin, cousine? En tout cas. Donc, t'es-tu encore en train de travailler là-dessus? Toi, il me semble que ça fait des mois que je te vois gosser, puis je sais toujours pas ce que c'est. Ben là, c'est un vibromasseur, il me semble que c'est évident. Ben c'est parce que ça ressemble vraiment plus à un... Ah! Oh! Je pense que je vais recommencer. Kiwan et Mathieu, Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées du lundi au jeudi de 15 à 17h, assez fou.